Et voilà, bonjour, bonjour, vous êtes toujours évidemment sur Radio Libertaire pour, c'est quoi déjà, Bulle de Rêve ? Bulle de Rêve. Merci Florentine, donc pour Bulle de Rêve, il faut même qu'elle me redise le nom de l'émission, des fois je ne m'en souviens pas. Le numéro de téléphone c'est 01 43 71 89 40. 40, tout à fait, donc 01 43 71 89 40, si bien sûr vous voulez appeler en direct, on est en direct. Cette semaine c'est Ilan Nguyen, le retour. Épisode 2. Bonjour de nouveau. Il est de retour évidemment après l'émission passionnante qu'on a eue le mois dernier. La BO qu'on venait d'entendre, enfin le générique qu'on doit aujourd'hui à Cliff Martinez, c'est la BO de Drive. Je vous en ai déjà parlé. Drive, voilà, un film que j'aime beaucoup, un film dont j'avais déjà dit à ce micro qu'il était post-postmoderne. On m'a beaucoup demandé ce que c'était que post-postmoderne. Après j'ai dit qu'il était Vertovie. Enfin bon, j'en ai rajouté des tonnes dans ce côté-là. Ça reste un film que je trouve très intéressant, avec un scénario nul et une mise en scène exceptionnelle. Donc voilà, c'est du vrai cinéma. Bon, on va passer à autre chose. C'était Cliff Martinez, en tout cas c'était super intéressant au niveau de la musique, car il a fait avant Solaris, il a fait plein d'autres musiques qui n'ont pas forcément autant marché, alors qu'il est, ça fait partie de ses nombreux compositeurs avant tout qu'on travaillait dans les groupes. Cliff Martinez était dans les Red Hot Chili Peppers, et qui ensuite font de la BO, voilà, et qui se lancent dans la BO. Si je dis ça, voilà, c'était donc sur 100, c'est uniquement, évidemment, vous savez, Bulle de Rêve, vous commencez à connaître, 100% cinéma d'animation, donc on vous parlera pas d'une certaine lettre qui fait l'actualité en ce moment, que la France aurait perdu ou ce genre de choses. On ne parle pas d'économie, on ne va pas parler de sport, savoir si c'est quelle équipe sera championne ou pas championne. Vous avez remarqué, parce qu'aujourd'hui, ouais, c'est un peu... maintenant, c'est que ça. Maintenant, c'est l'économie ou le sport, un peu de politique. On ne parlera pas de politique de toute façon. Mais comme c'est la première émission de l'année, on vous souhaite quand même... Une très bonne année animée. Ça se fait, voilà, on est dans l'animation, tout le monde se souhaite ça, donc voilà à vous. Et on va commencer, après ma voix que vous avez entendue pendant 5 minutes, avec enfin la voix de Florentine, que normal, vous préférez, moi aussi. Donc on écoute Florentine pour l'agenda. Pour l'agenda jusqu'au 4 février, puisque ce sera notre prochaine émission, avec... on a déjà les invités pour la prochaine. Elle est tellement effrayante qu'on a déjà les invités pour le mois de mars. Ça m'effraie. Enfin bon. Donc, on va commencer dès la semaine prochaine, lundi, avec le vernissage de l'exposition de marionnettes sur le jardinier qui voulait être roi. Donc, un film qui sortira pas tout de suite, mais là, on a l'avant-première qui ça se passe au centre tchèque de Paris. Et donc, il y a l'exposition des marionnettes, une projection spéciale du film qui sortira en salle en 2D, en 3D. C'est un film en stop-motion, mais c'est de qui a priori. Alors, je n'ai pas... Cinéma Public Film et Mort Film. As-tu, toi, le nom du réalisateur ? Non, je ne connais pas. C'est pas un long, si ? C'est un long. Si, c'est un long. Alors, c'est un long métrage qui est composé par deux courts-métrages. Et donc, il y a plusieurs réalisateurs. D'accord. C'est un programme de films de deux courts-métrages. Et de toute façon, quand il sortira, j'en reparlerai un peu plus... Là, c'est justement une exposition et une avant-première. Donc, allez voir au Centre Tchèque de Paris, lundi 16 janvier à 19h. Donc, on en reparlera. Ensuite, mercredi, on a Londres s'anime. Donc, c'est dans le cadre de la rétrospective London Calling qui est au Forum des Images. Et on a Jane Peeling, la spécialiste du cinéma d'animation britannique, pour le coup, qui vient et qui présentera une section de court-métrage. Donc, elle est directrice des British Animation Awards. Et c'est une section de court-métrage sortie des British Animation Awards autour de la capitale, Londres, avec des classiques, des raretés, des nouveautés, un beau mélange. Ouais, il y a un beau programme au niveau des cours. Et Jane Peeling va sortir, alors ça fait un bout de temps visiblement qu'il est en préparation, un livre en effet sur toute sa collection qu'elle avait fait sur notamment la sexualité dans l'animation. Ouais. Ouais. Un livre avec, je sais qu'Olivier Cotte a écrit un texte sur Mikaela Pavlatova, pas facile à dire. Et donc voilà, qui devrait sortir normalement, bon, en anglais évidemment, vu qu'on a trois livres en français en animation, mais bon, au moins c'est toujours ça. Et donc, à 21h. Voilà, la sélection de court-métrage est à 19h mercredi. Et à 21h, donc on a l'avant-première française de Jack Books on Whitehall, des frères McHenry, qui est sorti déjà en 2010, donc en Grande-Bretagne, et qui est en fait une comédie satirique en stop-motion, apparemment avec des poupées de la Team America, enfin genre Team America. Non, c'est genre Team America. Genre Team America. Et donc, ça a l'air d'être une occasion assez rare de voir le film, parce qu'ils ont dit que ce serait une avant-première, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait une sortie française. À mon avis, sortira. Donc, a priori, c'est peu de chance. Quoique maintenant, il faut se méfier, les films sortent tellement... C'est un film assez atypique. Non, mais voilà, mais avec des voix importantes en plus, hein, parce qu'il y a l'espèce de... Comment il s'appelle, le bellâtre celui qui joue dans Star Wars et qui joue dans... Ewan McGregor, je crois, qui a fait une voix. enfin qui est un bon acteur aussi, hein, le Bellâtre, je suis je crois dans Astérix Légionnaire là. Hein, les références. Non, pourquoi dans Astérix Bah il y a un Bellâtre dans Astérix Légionnaire. D'accord. Bon, peu importe. Non, non, mais merci Ilan, on ne savait pas. C'est Angoulême qui commence bientôt, donc voilà, comme ça, on a un petit. On va en parler un peu d'Angoulême. Côté. On va en parler un peu, d'accord. Donc voilà, Londres s'anime mercredi et on finit la semaine. Donc 19h21h, ouais, pardon. C'est ça, 19h21h au Forum des Images. Images et mercredi 18 janvier. Et donc on finit la semaine avec Alexis Huneau, qui sera donc vendredi 20 janvier à 19h30. À Crocanime, donc ces rencontres mensuelles qui reviennent voilà, tous les mois. Tu es l'invité du mois. Tu vas nous parler de ta vision du cinéma d'animation vendredi. Donc, as-tu quelques informations sur le programme, puisque pour l'instant, il n'y a pas grand-chose en ligne. De quoi vas-tu nous parler vendredi prochain? J'ai fait un super texte en parodiant Alice au Pays des Merveilles. Voilà, Alexis au Pays de l'Animation. Que vas-tu nous montrer? C'est plutôt j'ai... Mystère, ça va être... Qu'est-ce que je vais vous montrer? On est samedi, c'est vendredi prochain. Tu crois que, tu vas que je sais déjà choses, ce que je vais, tu vas nous parler. Tu crois que je sais ce que je vais vous montrer dans une semaine. Tu vas nous faire un cours de cinématographie. Non, non, non. Quelle serait la direction en fait, j'ai accepté parce que c'était Sylvie qui est déjà venue ici pour Croc-Anime. Mais voilà, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant d'avoir tous les mois un rendez-vous comme ça. On a parlé de celui qui était avant. Il va y avoir d'autres rendez-vous avec plutôt Juliette Loubière. Voilà, plutôt les coups de cœur de la part de Sylvie qui, d'un seul coup, dit à des gens de venir. En fait, je suis un peu embêté parce que je ne sais pas qui va y avoir exactement, donc je ne sais pas si je dois faire quelque chose plus pour déjà les gens qui connaissent très bien l'animation. L'idée est de mettre en place, je pense, déjà ce que je voulais faire pour donc l'idée d'un livre qui devrait sortir sur une espèce d'alphabet comme ça de l'animation où on pourrait par exemple dire S comme storyboard et scénario et mélanger, en fait comprendre par exemple qu'en animation, je trouve qu'aujourd'hui, je veux un regard un peu critique. D'ailleurs, c'est pas qu'un regard beau sur l'animation, oh, c'est super bien, c'est voir aujourd'hui les problèmes qu'il y a en cinéma d'animation. Aujourd'hui, par exemple, le problème critique, on en parle souvent, le problème de que Valsa avec Bachir soit encore aujourd'hui placé comme un documentaire animé, alors que c'est tout sauf un documentaire, et que si ça avait été un film de fiction, enfin un film, pardon, voilà, je m'y mets moi aussi à faire ce genre de choses, un film en prise de vue directe, voilà, en prise de vue directe même, jamais on aurait dit que Valsa avec Bachir était un documentaire, mais jamais. Ma main a coupé que aucun critique n'aurait dit ça parce que il y a aucune date dans le film. On nous parle de temps à autre de Sharon ou de gens politiques comme ça importants, mais sans dire qui ils sont. Les voix sont refaites. C'est-à-dire que c'est même pas les personnages qui parlent, les interviews. Les voix ont été refaites par des acteurs. Ce qui me pose pas de problème en soi, ce qui pose le problème de la subjectivité de l'image. Et ça, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, l'animation amène justement cette subjectivité de l'image dès le début. Donc, je trouve ça intéressant. Et donc, tout le rapport qui est entre les deux. Donc, on va essayer de faire ça avec pas que moi en train de parler. On va montrer les images, de choses et d'autres juste pour, peut-être avoir une vision un petit peu, pas différente, ça serait prétentieuse, mais en tout cas, peut-être un peu moins lisse, on va dire, animation, et dire qu'il y a des choses qui vont pas aussi en animation, et que par exemple, en effet, aujourd'hui, quelque chose d'étonnant, on fait de plus en plus de films d'un quart d'heure. Là, j'ai vu récemment, grâce à Ilan, des films d'étudiants, et j'ai calculé, en fait, en moyenne, les films font 11 minutes, 10 minutes et quelques, par film. C'est la deuxième seulement promotion qui sort, les films font 10 minutes, et on sent, il y en a qui fonctionne en ces 10 minutes, et d'autres, on sent que il y a sûrement un gros problème de scénario, ou en tout cas, pas de scénario, mais de comment on raconte, encore une fois, même, comment on tient une histoire, même si on n'est pas dans la narration, parce qu'on peut ne pas l'être, même dans l'expérimental, comment on fait, un Varfix en 8 minutes, qui pour moi tient, c'est un peu complexe, donc on va essayer de parler de tout ça. Voilà, donc si vous voulez avoir la suite, et surtout voir le personnage en vrai, c'est vendredi, à partir de 19h30, donc de rue Boyer, dans le 20e, et alors c'est sur réservation, parce qu'il y a une trentaine de places dans la salle, donc pensez à réserver. Et donc c'est gratuit. C'est gratuit, oui, c'est gratuit. Très libre, il y aura même un petit pot à la fin, une petite surprise. Voilà, donc, on pourra discuter après encore plus. Voilà. Après, donc, cette semaine parisienne, on s'envole pour faire un peu la tournée des festivals partout en France. Donc, on commence avec Festival Premier Plan à Angers, donc du 20 au 29 janvier 2012, qui est Festival des premiers films, donc films d'étudiants, mais aussi premiers, seconds, courts-métrages ou longs-métrages. Donc, il y a une centaine de premiers films qui sont projetés. Il y a toujours la section Plan animé européen avec que des films d'animation. Où t'étais ? Il y a 2 ans Oui, c'est ça, il y a 2 ans. Voilà, tout à fait. Et donc là, cette année, le temps fort un peu animé, c'est la rencontre avec Florence Miaille et Marie Desplechin, donc autour de La Traversée, du long métrage La Traversée, en attendant qu'il se fasse. C'est vrai que ça fait quelques années qu'on en parle, mais a priori, il y a des bons signes que ça commence. Et donc, il y aurait une exposition et donc Il va y avoir une exposition. Il va y avoir une exposition et le scénario Car en fait, juste pour dire, l'abbaye de Fontevraud, ouais, qui est en rapport, enfin, avec le festival Premier Plan, hein, puisqu'ils font, ils sont en partenariat, voilà, avec le festival Premier Plan. En fait, c'est un peu Florence et Mia est un peu leur ambassadrice. Et Florence a eu des prix sur le scénario. Et l'année dernière, le scénario de la traversée avait eu le prix, en effet, avait eu un prix à Angers déjà, ouais. Donc on continue. Mais en tout cas, le titre est magnifique, ça donne envie de savoir plus. Ouais. Et puis, alors si en plus vous avez la chance de voir, moi c'est vrai que j'ai la chance de voir plusieurs fois les deux personnages ensemble, et Florence Mihail et Marie Desplechin ensemble. Il y a quelque chose d'étonnant entre les deux, parce qu'on sent qu'elles n'ont pas du tout la même manière de s'exprimer. Elles font pas, et c'est très étonnant de les voir tous les deux avec l'énergie pure de Marie Desplechin qui lit son scénario comme ça avec envie, et voilà, et Florence Mihail qui elle aussi a de l'envie, mais on sent que, voilà, elle passe pas par les mêmes outils, et c'est absolument passionnant de les voir les deux. Donc pour les festivals, on continue à Bègles. Donc au cinéma, le festival, c'est un festival autour de la 3D, du relief, parce que justement, les mots 3D et relief ont été utilisés beaucoup ces dernières années à toutes les sauces. Et là, ils font une manifestation plus sur le relief en mettant en avant une compétition de court-métrage en relief et surtout en montrant comment fonctionne la technologie 3D, en montrant comment ça se passe en salle de projection, en faisant des séances didactiques, des expositions et tout autour du relief. Bon, allez-y avant que ça soit abandonné. Donc à Bègles, du 25 au 29 janvier. Avant que le relief soit définitivement abonné par le cinéma, vous aurez vu au moins un festival. C'est toujours intéressant de voir justement si les films qui sont faits juste pour le relief et où le relief n'est pas ajouté après, si ça sert vraiment à quelque chose ou pas. Et donc on va finir avec Clermont-Ferrand, donc le plus grand festival international du court-métrage en France, voilà, à Clermont, du 27 janvier au 4 février. Comme d'habitude, et plein de programmes, compétitions, donc programmes spéciaux autour de Cuba, des mouches et autres bestioles. Ça peut être sympa, tout à fait. Plusieurs séances sur les mouches et autres bestioles, mais surtout, tu vas l'annoncer. Mais surtout, la présence du réalisateur Théodore Youssef, donc Alexis avait déjà interviewé. Grande interview. Et donc, c'est autour de Théodore Youssef et de Arthur Lipset, donc un programme où Théodore Youssef va présenter ses deux derniers films. Et donc, voilà, deux derniers films qui là sont, qu'on a vu, voilà. si vous regardez un petit peu dont sur Internet, c'était les chants de Rossignol. Ah, je suis désolé, je me souviens plus du titre. En tout cas, qu'on peut voir sur Internet, mais le dernier, donc qui est une espèce, pas d'hommage hendrixien, mais en tout cas qui parle de la personnalité de Jimi Hendrix, en tout cas, à un moment donné, c'est ce qu'il dit. Et... Oui, celui-ci est inédit. Inédit, c'est la première fois qu'on va le voir. Et puis alors, Théodore Youssef est vraiment... il y a des gens qui peuvent être géniaux et puis très mal parler de leur boulot, et il y en a qui parlent très très bien, et Théodore Youssef est quelqu'un qui parle très bien de son travail, qui adore ça, qui adore le travail des autres. On parlera d'un autre monsieur comme ça tout à l'heure, qui est Yamamura Koji. C'est un peu ils font pas du tout le même cinéma, mais je trouve, enfin pas du tout, il y a des choses qui se ressemblent, mais on sent que c'est aussi vraiment des gens qui aiment, voilà, le cinéma et le cinéma d'animation en particulier. Et c'est un vrai plaisir de les entendre parler à chaque fois. Donc, foncez voir. Enfin, si vous êtes à Clermont, loupez surtout pas la séance avec Théodore Youssef. Ouais. Donc, on revient en région parisienne avec une exposition autour de Don Bluth, donc à Créteil, au cinéma du Palais, du 25 janvier au 7 février. Donc, exposition assez courte. Donc voilà, c'est en collaboration avec Tancred Film et Simon-Pierre Castagnier. Donc une exposition qui est accompagnée par une mini-rétrospective, donc quelques projections de films de Don Bluth, Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles, Brisby et le Secret de Nîmes, et le premier Fievel et le Nouveau Monde. Ouais, donc voilà, donc c'est les meilleurs Don Bluth. C'est ce que j'allais dire, meilleurs Don Bluth. Ils n'ont pas pris du temps à eux, ils n'ont pas pris Anastasia. Voilà. Anastasia, voilà. Donc les meilleurs, et c'est toujours agréable de les revoir. Enfin, moi, je me souviens... Je les avais vues petites et ça m'avait, surtout Brisby, ça m'avait beaucoup marqué. Moi, pas petit, hein, moi j'avais. The Land Before Time, avec Petit Pied, là, enfin, etc. Moi j'avais pleuré. Voilà, je le dis en direct, comme ça, on pourra pas dire, voilà, je le dis. Voilà, donc on poursuit le vendredi 27 janvier à 20h30 à la Péniche Cinéma, une carte blanche à Je suis bien content, en présence de Marc Jousset. Par contre, donc il n'y a pas encore la programmation, mais on peut espérer donc des courts-métrages avec des choses narratives, graphiques et techniques assez belles. Et, ouais, et puis tous les amateurs. Comme peut faire Je suis bien content. Ouais, pardon, j'allais dire tous les auditeurs, pour rappeler de Bulle de Rêve et de Radio Libertaire, oui. Se rappellent peut-être du passage de Marc Jousset ici. Et c'est vraiment un cinéma qu'il faut aller voir, quoi. C'est c'est pas très libre, justement, qui a un vrai, on aime ou on n'aime pas, comme je disais même en direct, il y a des choses que j'aime, moi j'avoue j'aime pas, je suis bien content, mais voilà, on sent qu'ils se font plaisir, et ça fait du bien d'avoir une liberté à ce niveau là même dans les séries qu'ils font avec Serge Lissal, ce genre de choses où on sent la véritable liberté qu'ils ont. Donc voilà, ce sera à la Péniche Cinéma le vendredi 27 à 20h30. Et donc on finit avec juste un je reparle un peu des après-midi des enfants parce que de temps en temps, il y a des choses que je veux mettre en avant. Donc, c'est les séances le mercredi, le samedi à 15h au Forum des images pour les enfants. Et là, donc, le 4 février à 15h, il y a Drôle de grenier de Jiri Barta qui passe. Et bon, moi, je trouve que c'est un film qui a été peu, quand il est sorti, qui a été peu montré dans les salles. Et même si on peut lui faire des reproches, il y a quelque chose à voir au niveau de la stop motion, c'est très beau. Et c'est quand même un des plus grands réalisateurs. Moi, enfin, vraiment. Un réalisateur tchèque. Demander de volume, oui, oui, oui. Et donc, je vais, avant qu'on parle de la BPI, parce que voilà, on va parler un peu d'un cycle manga à la BPI, je dis quelques mots sur ce qui peut passer à la télé ou en sortie cinéma. Et donc, effectivement, à la télé, à l'occasion du spécial, du festival BD d'Angoulême, sur Arte, il y a deux soirées spéciales. Donc, le 25 janvier, avec deux longs métrages, donc Persepolis de Marjane Satrapi, Vincent Parono et Valsaïk Bachir de Harry Folman. Bon, c'est toujours un peu les deux mêmes qu'on nous montre. Oui, puis Valsaïk Bachir voilà. Qui n'est pas tiré d'une BD, mais dont la BD oui. A été faite par la suite oui, et tout. Donc, bon, c'est un peu voilà, limite. Voilà, donc mais bon. À 20h55 et 22h05, le 25 janvier. Et le 27, on a donc un court-circuit spécial avec plusieurs courts-métrages, dont Mademoiselle Remarquable et sa carrière. Il y a deux ans, Annecy, c'est deux ans. Ah ouais, puis regardez, il faut absolument tout le monde, tous les étudiants. Qui dure 30 minutes. Le regard 30 minutes, à mon avis, il sera visible nulle part, ça sera la oui, seule fois vraiment, il va passer. Il faut vraiment le voir. Ah ouais, le 27 janvier. T'as aimé? Oui, oui. Bah, bon, comment ne pas aimer quand tu es une réalisatrice? Ouais, c'est tous les jeunes créateurs. Ça parle beaucoup fous, ouais, aux jeunes femmes réalisatrices. Enfin, c'est vrai que. Alors, aux jeunes femmes, mais même aux jeunes. Juste, même avant de dire que la perfection n'existe pas, donc on ne peut pas aller vers la perfection, et donc il faut. Bah voilà, il faut faire ce qu'on a envie de faire aussi, pas toujours écouter ni ses parents, ni tout le monde. Enfin voilà, moi c'est un film que j'aime énormément. Et pour les sorties cinéma, le mercredi 1er février, donc il y a Tatsumi enfin qui sort, on en a déjà parlé pour plusieurs avant-premières, donc Tatsumi de Eric Ku qui célèbre l'œuvre et la vie du mangaka japonais Yoshihiro Tatsumi. Alors que moi j'aime bien, mais que vous deux, Eilan et Florentine, c'est pas que vous n'aimez pas, mais en tout cas vous connaissez bien le mangaka et vous dites que c'est... Moi je connais pas bien le mangaka. Ça fait qu'il mérite d'être vu, mais... On en avait parlé un petit peu, c'est vrai que tout ce qui fait la qualité du film vient de la bande dessinée, c'est-à-dire que c'est un projet filmique qui a assez peu d'autonomie. C'est-à-dire que si le film vous plaît, il faut absolument lire les bandes dessinées, effectivement. Il y a vraiment quelque chose en jeu dans ces récits qui trace une ligne spécifique dans la bande dessinée japonaise de l'après-guerre. Qu'est-ce que tu penses de... Est-ce que tu as vu... Alors, je connais le nom en anglais, Band of Ninjas, le Oshima. Non, je l'ai pas vu. T'as pas vu? Non, c'est de la bande dessinée Bantitré, effectivement. Donc, c'est à la fin des 60, une expérience, donc, d'Oshima, qui devrait passer, peut-être, effectivement, dans le cadre de la programmation au Centre Pompidou, dont on va reparler un peu plus tard, peut-être. Je finis juste, pour dire que le mercredi 1er février, aussi, Les folles inventions de Monsieur Bricolo, donc, de Charlie Bowers, qui ressort au cinéma, donc, des courts-métrages des années 20, et donc, qui mélange prise de vue réelle, objets animés, marionnettes, et, voilà, c'est quelque chose d'intéressant à voir de Charlie Bowers. Ben. Voilà, tu savais pas qu'il ressortait Si. Et donc, non, je savais pas, pardon. Il sort sous le nom français Les Folles Aventures de Monsieur Bricolo. On avait parlé déjà de La Révolution Verte, on avait déjà parlé de tous ces films-là qui sortent ou pas? Non, il me semble pas. Parce que là le 18 sort La Révolution. Enfin, le titre est pas comme ça, c'est La Révolution 2.0, je crois, et qui a un documentaire animé sur La Révolution. Oui, donc, parce que je l'ai vu, mais c'était bien. Il n'y avait pas expliqué vraiment le truc. Je me suis demandé si. Il y a une partie qui est en animation. D'accord. Alors, je l'ai pas encore vu. Il sort mercredi. Okay. J'aurais dû le voir avant, évidemment, l'émission d'aujourd'hui, mais il sort mercredi et qui parle de l'Internet et de ce qu'a pu. De ce qu'est Internet et tout ce qui est Facebook, enfin tous les réseaux sociaux notamment, ont pu faire par rapport à cette révolution iranienne, et une grande partie est en animation. Voilà. Ok, très bien. Merci. Donc pour finir, je voulais pas parler tout de suite, peut-être pour le mois prochain, du cycle manga de la BPI et donc du centre Georges Pompidou. Mais bon, puisque Ilan est là et qu'apparemment il a aidé pour la programmation, s'il peut nous en dire quelques mots. Quel est ce cycle? Alors, c'est un cycle qui se lance dans le cadre de l'atelier 13-16, en fait. C'est ça, il y a le studio 13-16. Donc, c'est un nouvel espace qui démarre donc au sein du centre Pompidou qui s'adresse aux adolescents. Donc, le centre Pompidou a décidé donc de commencer une activité spécifiquement donc dédiée, donc orientée vers ce public-là, qui n'était pas spécialement partie donc de leur public traditionnel. Et donc, pour commencer donc les activités de cet espace qui sera au sous-sol, il y a une programmation donc qui est en cours d'élaboration qui va commencer donc là à partir du mois de février sous l'intitulé donc générique Planète Manga. Donc ça, il y a eu des quelques annonces qui ont été faites déjà donc dans les dans la brochure trimestrielle je pense du Centre Pompidou et donc c'est un projet donc qui est centré sur la bande dessinée asiatique, bande dessinée japonaise mais également coréenne ou chinoise. Et donc en regard de cette programmation, donc avec des ateliers, avec des dessinateurs qui vont venir, toutes sortes effectivement d'activités qui sont proposées au public des adolescents, il y a également donc une programmation de cinéma qui va suivre un petit peu donc les différentes thématiques. Et il y aura une soixantaine de séances donc de films, donc beaucoup de longs métrages, beaucoup de choses qui ont déjà été vues, mais aussi des courts métrages, y compris donc des films japonais d'avant-garde, donc certains dont on a pu parler un petit peu donc le mois dernier, voilà. Puis Bon of Ninjas, moi j'aime beaucoup Oshimed, un film que je trouve très intéressant, qu'il faut voir. Donc, alors c'est bien, je savais pas que t'étais derrière. Non, moi sinon j'aurais. Juste un coup de main, d'accord, sinon j'aurais. Parce que je voulais critiquer. Cycle manga. Oui, parce que je voulais critiquer un peu parce que dans le. La BPI, c'est encore autre chose. La BPI a sa programmation propre. C'est-à-dire que, oui, mais on sent ce qui est un tout petit peu dommage, c'est qu'on sent l'envie de faire un effort sur le manga et justement d'inviter des gens pour parler du manga et pour donner une autre vision peut-être aussi du manga. Et c'est vrai que pour l'anime, comme d'habitude, là ils disent dans la petite brochure et c'est des films tirés de manga alors qu'en fait la plupart puisqu'il y en a qui sont la programmation sera principalement en fait justement des films, des adaptations tirées de la bande dessinée. C'est le but qu'on a, c'est la focalisation qu'on a voulu avoir pour la programmation. Donc c'est l'un des angles principaux, je pense les trois quarts voire davantage des films sont effectivement il y a pas que de l'animation d'ailleurs. D'accord, parce que pour l'instant c'est pas comme ça, parce qu'il y a le tombeau des lucioles, il y a Colorful, il y a Arrêti, donc déjà là on parle de films qui ne sont pas tirés de la BPI. Ça c'est la BPI effectivement, donc sur Colorful. Donc c'est la BPI, alors que là toi tu parles, la BPI a choisi un certain nombre de films de son côté. Ils ont une chaise de programmation par rapport à la thématique. Il y aura aussi dans la BPI un espace, mais je sais pas si c'est peut-être un peu tôt d'en parler, avec un coin de lecture avec des albums, des milliers d'albums qui seront là. Donc en lecture, c'est pareil, la BPI va acquérir pour la première fois des bandes dessinées japonaises. C'est un peu une sorte de, enfin il y a un palier qui est franchi quoi. D'accord, c'est génial. Donc voilà. Et mais donc à suivre. Donc à l'intérieur, juste comme quand même pour moi bien comprendre, pour qu'on comprenne bien, la BPI va faire son travail d'à côté de l'autre côté, et le cinéma il y aura du Centre Georges Pompidou. Il y aura une soixantaine. Ok. Et sachant qu'une grande partie de la manifestation, puisque c'est ce qu'ils veulent évidemment pour amener un public adolescent à venir, sera gratuit. Voilà. Oui, tout à fait. Alors les séances de cinéma sont payantes en général, sauf pour les abonnés, mais donc il y aura entre février et mai. C'est quand même un long cycle, quoi. Ouais. Voilà. On en reparlera. Donc. Donc vous pouvez retrouver l'agenda sur www.bulle-de-rêve, tout attaché avec un S à bulle, un S à rêve.com, www.bulle-de-rêve.com. Et pour ceux qui veulent, c'est mis depuis pas longtemps en ligne, mais grâce à Ilan, notamment, il y a plein de liens, et vous tapez sur The Web Anime, vous arrivez, c'est la première news, j'en ai pas fait depuis, voilà, pour être sûr, qui parlait de l'émission d'aujourd'hui, vous avez plein de liens sur le site de... il y a des courriers aussi bien que des pubs de Kawato Kiyachiro. Enfin voilà, plein de choses, plein de liens, vous pouvez voir. Donc il y a de quoi voir, il y a de quoi faire. Et après cette émission, on en remettra plein d'autres aussi de ce qui est récent. Moi j'en ai déjà pas mal. Et puis voilà, avec l'aide d'Ilan. Alors on va faire très peu de coupes de... Et oui, même en direct un peu, merci beaucoup. De pause musicale, on va en faire peut-être que deux, dont une qui va faire 8 minutes. Je sais pas encore, on va voir. Mais la première, on va faire quelque chose qui est... je voulais vous parler, donc on a parlé de Drive, je vais pas vous reparler de Métronomie, je voulais parler des albums que j'ai bien aimés en 2011. Et là, on va écouter une reprise de Gainsbourg par Bachung, Pour l'homme à la tête de chou, qui est un spectacle de Jean-Claude Galota. Et on va entendre le morceau qui est normalement Lunatic Asylum. Voilà, repris. Vous allez voir comment Bachung, c'est ce qui est intéressant. Lui travaille sur la musicalité des mots, donc finalement on est dans autre chose et d'un seul coup c'est sûrement l'un des auteurs, compositeurs en France et l'un des chanteurs qui reprend mieux des chansons qui ne sont pas à lui, qui faisait en fait sa propre version. Donc ça peut peut-être choquer les plus fans. Moi je suis pas super, j'aime bien Gainsbourg, mais voilà, donc et j'avoue, voilà, j'aime beaucoup tout cet album. Donc on écoute Lunatic Asylum, on se retrouve après pour parler Japon pendant une heure et demie. Le petit lapin de Playboy ronge mon crâne végétal. Shoeshine Boy. Oh, Marie-Lou, petit chou, qui me roulait entre ses doigts comme du caporal, me suçotait comme un cachot et savait le dialecte chou. Poupoupidou. C'est Malou, dans cette blanche clinique, neuropsychiatrique, à force de patience et d'inaction, j'ai pu dresser un mouton. Sur ma tête héliport, l'hélicoléoptère de ses élytres d'or, refermant l'habitacle, incline ses antennes, porteuse d'SOS. Et merde, les phalènes, frémissantes de stress, interceptent en vol mes signaux de détresse. Bande de bol. De radio pou embrouiller mes messages.